Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, quelques mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. La première mesure de la loi de financement de sécurité sociale pour 2024 est la réduction de la durée des arrêts de travail délivrés en téléconsultation. En effet, depuis le 1er janvier 2024, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail effectué à la suite d'une téléconsultation ne doit pas porter ou avoir pour effet de porter la durée de l'arrêt à plus de 3 jours. Ainsi, les arrêts de travail prescrits en méconnaissance de cette disposition n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité journalière au-delà de ces 3 premiers jours de l'arrêt. Alors, il y a 2 exceptions. Si cet arrêt était prescrit ou renouvelé par votre médecin traitant, il n'y a pas de problème. Ou alors, lorsque le patient ou la patiente est dans l'impossibilité de consulter un ou une professionnelle médicale compétente pour obtenir, bien entendu, la prolongation de son arrêt de travail. La deuxième mesure, c'est la lutte contre la précarité menstruelle des femmes de moins de 26 ans et des personnes qui sont le plus en situation de précarité. En effet, la loi de financement pour 2024 prévoit le remboursement de protections menstruelles réutilisables, culottes et coupes menstruelles, pour les assurées de moins de 26 ans, ainsi que pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, la C2S, et cela sans limite d'âge. Les assurés de moins de 26 ans bénéficieront donc dorénavant d'une prise en charge à hauteur de 60% par l'assurance maladie et leur participation pourra être compensée par les organismes complémentaires. Pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, quant à elles, elles bénéficieront d'une prise en charge à 100% pour ces protections hygiéniques. Il y a une procédure de référencement s'appuyant sur un cahier des charges qui sera mise en œuvre afin de s'assurer de la qualité, bien entendu, des produits. La mise à disposition des produits sera organisée dans un premier temps dans les pharmacies. Une troisième mesure, c'est la gratuité des préservatifs sans ordonnance pour toutes les personnes de moins de 26 ans. En effet, la loi de financement 2024 inscrit dans le droit la prise en charge à 100% cette fois-ci par l'assurance maladie de la délivrance en pharmacie sans prescription de préservatifs féminins et masculins aux jeunes de moins de 26 ans. Cette mesure est déjà mise en œuvre par les caisses d'assurance maladie et cela depuis le 1er janvier 2023. Alors, seuls les préservatifs inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables donc par l'assurance maladie pourront être délivrés. Pour l'instant, 2 marques de préservatifs sont inscrites sur cette liste. Des demandes d'inscription sont en cours. Il faut se renseigner auprès de sa pharmacie. Alors, avant janvier 2023, la gratuité des préservatifs n'était possible qu'auprès des centres de dépistage de certaines associations et des infirmières scolaires pour les mineurs. Pour se faire rembourser aujourd'hui par la Sécurité sociale, les préservatifs en pharmacie, les personnes âgées de moins de 26 ans n'auront qu'à présenter leur carte vitale ou bien encore une attestation de droit et même à défaut une pièce d'identité. Quant aux titulaires de l'aide médicale d'État, l'AME, elles peuvent également en bénéficier en présentant bien entendu leur carte AME, de même que les ressortissants de l'Union européenne en présentant leur carte européenne d'assurance maladie. Enfin, pour les mineurs, une simple déclaration sur l'honneur suffit à justifier son âge ou son statut d'assuré social. De plus, il est possible de demander le secret de la délivrance si la personne le souhaite. Pour les personnes qui sont âgées donc de plus de 26 ans, les préservatifs toujours des marques référencées sont quant à eux remboursés, mais à hauteur de 60% sur prescription médicale. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.